Micro ouvert, les mots ont des oreilles. Voilà, aujourd'hui autour de la table des femmes et des hommes, pas beaucoup de femmes, et c'est justement ça le sujet de ce micro ouvert, c'est parler du féminisme, parler du pôle, de nos pôles à l'intérieur masculin et féminin, qu'on a tous en nous, plus ou moins développés. Voilà, c'est vraiment un sujet intéressant, cette histoire-là. Et puis, aussi, vous parlez d'un bouquin de Michel Perrault, Michel Le, qui s'appelle Mon histoire des femmes. Mon histoire des femmes est en réalité notre histoire des femmes et des relations entre les hommes et les femmes. Comment changent les apparences, la sexualité, la maternité? Quand est né le désir d'enfant? Les histoires d'amour ont-elles une histoire? Quel rôle ont joué les religions dans la vie des femmes? Pourquoi l'accès au savoir, à la lecture et à l'écriture, au travail et au métier a-t-elle été si difficile? Peut-on parler de révolution sexuelle dans le dernier demi-siècle? Celle-ci est-elle le fruit de la modernité, du désir des femmes? Quel est le poids des féminismes? Ce livre, issu d'une série d'émissions diffusées sur France Culture, propose de retracer le combat des femmes pour exister à part entière, à égalité avec les hommes. Un combat aujourd'hui encore nécessaire à mener. Et c'est vrai, il faut regarder les choses comme elles sont. C'est véritablement un combat, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, faut vraiment se poser des questions sur nos rôles dans cette société, sur le rôle de la femme, mais aussi le rôle de l'homme, hein, c'est pareil. Certains hommes sont coincés dans des stéréotypes, tout comme les femmes, et donc ce serait intéressant de se poser vraiment des questions au-delà des apparences. Bah, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Voilà. Des humains, oui, des humains. Hommes, femmes, femmes, hommes. Voilà. Et c'est pas du tout pour se faire la guerre ou dire qu'il y en ait un qui est meilleur que l'autre. C'est véritablement se regarder en face et se dire qu'on peut échanger, on peut se comprendre, quoi. C'est pas, je trouve que plus que jamais aujourd'hui, il y aurait comme d'un côté les hommes et puis d'un autre côté les femmes, mais on est fait vraiment pour se rencontrer, et c'est là que ça devient intéressant. Thank you. Marianne, je crois que je m'en fais des copies, qui est une revue française que je connais mal, je connais pas bien. Mes parents sont en France la moitié de l'année, et comme mon père est un enragé de documentation comme moi, quand il voit des choses passer sur les femmes ou l'égalité, il les envoie. Voilà, ça c'est l'article en fait qui était sorti. En fait, moi, ce que je vais vous donner en deux mots, je l'avais dit à Marc hein, quand il m'avait demandé d'intervenir dans les publications, c'est que dans l'association où je travaille, qui est une association qui travaille sur la réalisation et la diffusion de savoir féministe, on n'a pas encore travaillé cette question-là. On a un centre de documentation qui est une bibliothèque chez nous, qui est une des plus grosses bibliothèques francophones en matière d'égalité de femmes, de situation de femmes, etc., de genre. J'ai fait des recherches avec nos documentalistes. Il y a très peu de choses encore qui existent sur cette dimension-là, parce que d'abord, la décroissance est tout nouveau, mais aussi que l'égalité homme-femme, c'est aussi très nouveau, ici comme ailleurs, et aussi dans nos régions. Donc il y a peu de choses. Donc moi, j'avais dit, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas vraiment vous apporter des réponses, c'est plutôt vous apporter des questions, et peut-être aussi une façon de vous les poser, ou une façon d'envisager les choses, pour peut-être que votre travail sur les questions de décroissance se fasse avec cette approche-là, avec cette attention-là. Alors peut-être en deux mots, d'abord rappeler peut-être les questions du genre, du féminisme et des situations de discrimination. Pourquoi est-ce qu'on travaille encore les questions de genre et les questions du droit des femmes dans nos pays, alors que souvent on a l'impression que ça n'est plus nécessaire et qu'on a en fait atteint l'égalité. En fait, on a dans notre pays particulièrement atteint un bon niveau d'égalité en termes de loi, en termes de règlement et en termes de dispositifs. Par contre, en ce qui concerne la situation concrète, la situation sur le terrain, la question est loin d'être réglée. Il y a encore des disparités, disons, importantes entre le groupe des hommes et entre le groupe des femmes. Alors, disons que la discrimination homme-femme est une discrimination... Pardon, vas-y Dominique. Est-ce que j'aurais pu poser, donner un exemple ou l'autre de cette disparité qui te marque personnellement? Je vais en parler, hein, parce que, bon, moi je viens ici avec une approche féministe, donc je veux dire l'approche féministe c'est une approche essentiellement sociologique, donc qui observe ce qui se passe au niveau du groupe des hommes et au niveau du groupe des femmes en général, et qui replace des situations, disons, d'exemple dans ces contextes-là, mais ce n'est pas la question individuelle qui nous préoccupe, c'est plutôt la situation en termes sociologiques. Donc c'est plutôt une approche en termes généraux que nous étudions en tout cas. Alors, donc, il y a en tout cas des discriminations qui sont apparues, notamment, j'en parlais tout à l'heure, cette préoccupation de la situation des femmes est venue en fait... au niveau mondial en 1995 avec la conférence de l'ONU sur la situation des femmes, qui a engendré toute une série de plans, d'actions, d'études, puisque à ce moment-là, tous les pays ont été invités à faire un état des lieux sur ce qui se passait dans la situation des femmes et en matière d'égalité hommes-femmes. Et cette préoccupation-là a été prise en compte, notamment aussi au niveau européen, puis ensuite au niveau des États, au niveau des régions. Chez nous, c'est plutôt au niveau de la communauté française. Mais il y a, à tous les niveaux de pouvoir en Belgique, disons, des plans d'action, des ministères, des institutions. C'est une charge ministérielle, l'égalité homme-femme, qui est attribuée chaque fois à un ministre. Et chaque fois, il y a un département, il y a aussi au niveau du Parlement, chaque fois une commission parlementaire spécifique qui s'occupe de ces questions-là, qui est souvent une sous-commission, mais enfin, c'est un groupe qui est spécifiquement chargé de cette attention-là et qui doit faire chaque année des rapports sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, est-ce qu'il est encore judicieux de parler de discrimination, donc en termes de situation du groupe des femmes dans notre pays? Eh bien, je vais peut-être rappeler quelques indicateurs. Du point de vue économique, les femmes représentent 2/3 des travailleurs payés au salaire minimum. Elles travaillent pour 42% d'entre elles à temps partiel, pour 7% des hommes, et sur n'importe quel niveau de formation, surtout les jeunes femmes et les plus de 50 ans, c'est-à-dire dans les tranches où elles ne sont pas en charge de famille. Il faut bien voir que la plupart des dispositifs qui sont mis en place pour diminuer le chômage ont souvent des impacts au niveau de la situation des hommes et des femmes. Et souvent, en Belgique en tout cas, ça a été longtemps, disons, le principe d'un salaire et demi, ça c'était la proposition de Mietsmet, avec, disons, on regardait à ce qu'il y ait une situation pour le ménage, mais on ne regardait pas ce qui se passait à l'intérieur du ménage. Ce qui fait que beaucoup de dispositifs ont été discriminants pour les femmes, et c'est pour ça qu'on les retrouve à large majorité dans les temps partiels, dans l'utilisation des titres services, dans l'utilisation de certains types de congés, etc. Alors, du point de vue des statuts professionnels, eh bien, si on regarde, par exemple, la profession des enseignants, on voit effectivement qu'il y a des professions qui se féminisent, hein, comme la médecine, les enseignants. Mais par contre, si on regarde de ce côté-là, on voit que 7% des professeurs d'université, par exemple, sont seulement des femmes. Et donc, il y a une pyramide, en fait, dans l'enseignement. Quand on regarde au niveau maternel, il y a une très grande proportion de femmes dans l'enseignement maternel. Mais si on monte dans l'échelle de l'enseignement, les femmes, il y a ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. Alors, au niveau politique, les femmes ne constituent que 10% des bourgmestres des communes de Belgique, ce qui est très peu. Et ce sont des disparités qu'on retrouve à tous les niveaux, particulièrement peut-être plus en Wallonie, moins à Bruxelles, un peu moins en Flandre. Mais il y a quand même, on est loin de la parité homme-femme qui est souhaitée, en tout cas en France. Pas en Belgique, ça, il n'y a pas de loi. Il y a des lois de parité pour les listes électorales, mais pas en termes de résultats. Ce qui fait qu'on a encore des conseils communaux. Moi, j'étais conseillère communale. On a travaillé avec, au niveau des colos, pour que les femmes s'engagent plus en politique, s'y sentent bien, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très difficile parce que c'est un monde qui s'est créé sans elles, avec ses règles et ses fonctionnements. Et elles ont beaucoup de mal d'y changer quelque chose. Alors, par exemple, on a effectivement des femmes chefs d'entreprise. On a 29% de femmes chefs d'entreprise, qui n'est déjà quand même pas mal. Mais c'est quand on regarde, il faut regarder aussi quel type d'entreprise. Donc, ce sont des créations souvent de professions ou d'entreprises qui sont elles aussi avec un caractère genré. C'est-à-dire qu'on retrouve les femmes chefs d'entreprise de snack, de tout ce qui concerne la coiffure, ce qu'on appelle le care, donc le soin. On retrouve beaucoup de femmes dans ces domaines-là. Alors, sur le plan privé, hein, je crois que c'est ce qu'on va peut-être plus aborder ce soir, les femmes continuent à faire de 60 à 85% des tâches ménagères et parentales. Donc, ce sont des ordres de grandeur. Il y a chaque fois, des statistiques maintenant. C'était un combat des mouvements de femmes depuis très longtemps d'avoir des indicateurs genrés. Donc, c'est-à-dire que les chiffres qui donnent la situation, en fait, donc, quand on analyse les choses, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, ça a été un combat des femmes d'avoir des statistiques qui soient divisées selon les hommes et les femmes pour pouvoir avoir vraiment une vision claire de ce qui se passe. Et quand on regarde les statistiques genrées, là, alors, on voit, notamment au niveau européen, chez nous, on les a pas encore toutes, même si la Wallonie a fait un gros effort, on voit qu'il y a quand même énormément de disparités en termes de tâches ménagères et parentales, et que c'est encore des tâches qui reposent essentiellement sur les femmes. Alors, il y a aussi des discriminations en matière de situation physique. Donc, les femmes sont encore essentiellement victimes de violences, donc violences économiques, violences physiques. Donc, elles ont, par exemple, on a pas mal travaillé la question de la violence physique à l'école, notamment, mais aussi au domicile. Et il y a encore, l'essentiel pour le moment, par exemple, des politiques en matière de situation des femmes au niveau wallon sont sur les violences conjugales. Donc, c'est vraiment un problème qui reste important. Et il faut savoir que la majorité des violences que subissent les femmes, elles le subissent dans leur famille et avec leurs proches. Alors, pourtant, voilà, ce sont quelques indicateurs, il y en a d'autres. Or, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte démocratique, donc dans un contexte de situation d'égalité en termes de droits. Alors, un petit mot du mouvement dans lequel je m'inscris aujourd'hui, donc qui est le mouvement féministe. Donc, je vous ai dit, les féministes ont une approche sociologique, donc elles étudient ce qui se passe dans la société avec cette approche-là. Donc, c'est pas une approche biologique, c'est pas une approche psychologique, c'est vraiment une approche d'examen de la société avec la science de la sociologie. Elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle une vision constructiviste, c'est-à-dire que elles regardent ce qui se passe entre les hommes et les femmes comme une construction de la société et pas comme quelque chose qui est inné. Donc, elles considèrent que les différences qui sont à l'œuvre entre les hommes et les femmes ne sont pas un caractère lié à la nature des hommes ou des femmes, mais elles sont construites socialement. Donc, c'est parce que la majorité des études féministes montrent que les différences sont construites socialement. Donc, je pense par exemple à quelqu'un, une ethnologue célèbre, Françoise Héritier, qui a passé quasiment toute sa vie à observer les différences hommes-femmes dans la plupart des sociétés humaines et qui arrive à la conclusion de dire que la seule vraie différence, c'était le fait que les hommes ne mettaient pas les enfants au monde et les femmes bien, mais que pour le reste, on pouvait trouver des affectations de rôles, de tâches, disons, diversifiées dans les différentes sociétés. Donc, c'est pas des choses qui sont liées à la nature de l'homme ou de la femme, mais qui sont construites par l'éducation, par la culture, par l'histoire des populations. Ce qui est intéressant, parce que quand on part du principe que ce sont des choses construites, ça veut dire qu'on peut y travailler, qu'on peut les déconstruire, qu'on peut les changer, qu'on peut les modifier. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de les regarder. Alors, le mouvement féministe, en fait, il y a des mouvements féministes, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Dans mon association, on organise une formation sur une année avec une thématique qu'on observe avec des chercheuses de genre, en genre. Et on a, il y a quelques années, étudié les féminismes et on a vu qu'il y en avait plusieurs selon les régions, selon les mouvements. Mais donc, c'est essentiellement un mouvement social, pluriel, contradictoire, qui a pour objet d'abord l'émancipation des femmes et plus largement la suppression de toute forme de domination, qu'elle touche les personnes non seulement en raison de leur sexe, de leur origine sociale ou géographique, de leur sexualité ou de leur identité sexuelle. Donc, le féminisme apporte des questions et pas des réponses. C'est en cela qu'il est riche de promesses. On peut comprendre que les féminismes comme un révélateur problématique de problèmes. La question féministe pose le doigt à l'endroit où dans nos sociétés la réalité fait mal. Et donc, le féminisme, c'est par exemple dans nos sociétés un mouvement qui a fait sortir des problématiques qui étaient en général restreintes à l'espace privé. Elle a fait sortir ces problématiques-là dans l'espace public en disant voilà, c'est un problème dont la société doit prendre en compte en général. Et donc, c'est par exemple la question des naissances, la question des violences, la question des rapports de travail, etc. Et donc, c'est vraiment l'apport d'un mouvement social important et qui a changé profondément nos sociétés. Il y a eu plusieurs, ici dans nos régions en tout cas, il y a eu plusieurs vagues de féminisme, hein. Il y a eu une vague de féminisme au début du XXe siècle, 19e, 20e siècle, qui a apporté en fait l'égalité en termes de droits sociaux. Donc c'est le droit de vote, hein, sont les suffragettes, le droit de vote, je résume très fort. Il y a une deuxième vague du féminisme dans les années 70 qui a apporté l'égalisation formelle. Et puis il y a eu la vague du féminisme qui est plus ou moins actuelle, qui est dans ce qu'on appelle la phase de déconstruction. Donc il travaille sur cette notion de genre et de déconstruction des inégalités. Alors, notre société donc a opté pour un idéal démocratique qui s'est construit peu à peu, mais on est quand même, donc, la théorie, c'est que nous avons ce corpus de lois qui a garanti une égalité, mais qu'en réalité, on ne l'a pas. Alors, pourquoi l'analyse de la plupart des féministes, c'est qu'en fait, notre société s'organise sur le mode du patriarcat et donc d'une hiérarchisation des groupes sociaux des hommes et des femmes. Et donc, si le lien de dépendance et d'exploitation entre le groupe dominant des hommes et le groupe dominé des femmes est souvent méconnu ou nié, les inégalités de situation entre les deux groupes sont-elles de plus en plus objectivées et mesurées? Ces inégalités concernent les conditions de vie, les possibilités d'émancipation et d'autonomie, l'accès à la culture, l'éducation, les soins de santé, le travail, l'occupation des postes de responsabilité, etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre société s'organise à différents niveaux pour, disons, rectifier le tir, pour essayer que ces inégalités de genre diminuent. Donc, par exemple, moi, très, très concrètement, je travaille à regarder ce qui se passe au niveau de la formation des enfants, au niveau des écoles, et d'essayer de voir avec les enseignants comment, dans leur pratique, dans leur discours, dans leur attitude avec les enfants, ils déterminent des différences sans s'en rendre compte, ou bien d'une façon consciente, et on travaille ces questions-là. Mais il y a d'autres champs d'action. Alors, je vous ai apporté, je pense que je l'ai, oui, voilà. Donc, je vous l'ai dit, les statistiques genrées ont été vraiment une victoire des mouvements de femmes. On n'y est pas encore partout. Donc, par exemple, à Bruxelles, on n'en a pas. En Flandre, il y en a. Et donc, en Wallonie, grâce, en fait, au COEF, donc, vous avez, au niveau du Parlement wallon, ce qu'on appelle des comités d'avis qui donnent des avis sur les projets du gouvernement. Et donc, il y a le Conseil économique et social de la région wallonne qui a en son sein le comité, le conseil, je dis pas de bêtises, le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes. Donc, c'est un conseil qui a été créé il y a quelques années et qui fonctionne. C'est Annie Dubois qui est présidente, je crois, pour le moment, et qui a fait un énorme boulot. Donc, il y a dedans, il y a des associations de femmes et il y a aussi des acteurs du monde économique, des acteurs du monde patronal, du secteur syndical, etc. Et donc c'est une commission qui d'avis, un conseil qui d'avis ou d'initiative, sur demande d'avis du gouvernement ou d'initiative, donne des avis sur les plans en matière d'égalité homme-femme et qui a, disons, incité l'Institut Wallon de Statistique à faire des photographies de la situation socio-économique en Wallonie avec des indicateurs de genre. Donc il y a eu une première sortie en 2005, je pense, ou 2007. Et il y a eu cette deuxième mouture ici en 2008 qui donne en fait tout le portrait de la Wallonie avec, disons, l'entrée et les facteurs de précarité. Donc on a voulu voir dans les indicateurs ce qui entraînait plus de précarité ou moins de précarité selon le genre. Alors pour ceux que ça intéresse... Moi, j'ai pris, voilà, j'ai un petit article que je vais faire passer et qui donne un peu le résumé de ce qui a été trouvé. Je ferai passer après. Voilà. Alors, et l'écologie, je crois que je vais finir avec ça pour la partie parce que je résume beaucoup. Alors. En fait, donc je vais revenir à l'article de Marianne. Hein, donc, je vous avais envoyé cet article-là et je rappelle un petit peu ce que l'article disait, qui était un peu provocateur. Bon, c'est un article de magazine. Hein. Donc, ce que Marianne dit, c'est qu'en fait, l'écologie aggrave les inégalités de genre. Elle renvoie les femmes à la maison, c'est-à-dire que les femmes passent un temps de plus en plus conséquent à répondre aux besoins familiaux de manière écologique, ce qui les écarte du travail rémunéré. Et je pense que l'article prenait comme exemple le fait de faire ses conserves soi-même, de faire à manger sans prendre des petits pots pour bébé, des choses comme ça. Tout ça prend beaucoup de temps. Et comme ce sont des tâches qui, en général, sont dévolues aux femmes, ben, ce sont les femmes qui prennent du temps pour le faire. Et ce temps-là qu'elles prennent va jusqu'à entraîner un retrait du marché du travail. Ça, c'était l'analyse de l'article. L'article disait aussi que les femmes éprouvent un besoin irrépressible de retour à la nature, au primitif, ce qui les détourne des produits industriels et des méthodes de soins modernes. Donc, c'était un peu un constat qui était fait que cette envie de choses naturelles, etc., les éloignait, en fait, des éléments de progrès qui les avaient libérées pour certaines choses, notamment au niveau du travail ménager. Alors, il y avait aussi le facteur du droit à l'enfant qui passait avant tout. C'est un petit peu comme si le fait d'avoir eu les moyens de contraception et d'avoir pu choisir le moment et le fait d'avoir des enfants, on le payait par le fait de dire que l'enfant avait tous les droits et était très important, était plus important que soi-même. Et donc, voilà, les femmes étaient du coup très réceptives à tous ces discours qui prônaient l'allaitement. Il y a une pression pour le moment. Notre prochaine formation longue est sur la maternité, donc on est en train de travailler ces questions-là. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des discours très généraux pour le moment, pour dire avec toutes sortes d'arguments scientifiques ou autres, que l'allaitement maternel est le meilleur, est indispensable, etc. Et donc il y a une pression sur les femmes vraiment très forte pour choisir ce mode de nourrissage des enfants. Que la présence longue de la mère, il y a aussi toutes sortes d'études qui disent que les mamans doivent rester près des bébés le plus longtemps possible. Donc il y a pour le moment une proposition européenne d'augmenter le congé de maternité, ce qui les amène à sacrifier leur carrière. On voit que les femmes sortirent massivement du travail dès qu'elles sont mères, voire de leur vie de femme. On voit dans certains, on a étudié par exemple, notre dernière formation était sur les femmes et les médias. Il y a des chercheuses qui sont venues faire le bilan du métier de journaliste. On voyait nettement, par exemple, qu'elles étaient très fortement présentes dans les études. Elles étaient déjà moins fortement présentes au moment des embauches. Mais alors, au moment où elles étaient mamans, là, terminé, quoi. Elles sortiraient vraiment en masse de la profession, tellement c'est une profession très peu compatible avec les nécessités d'être maman. Alors, l'article disait aussi que pour sublimer un retour au foyer marqué par la régression, les femmes se transforment en combattantes vertes, ce qui permet de valoriser idéologiquement une situation de recul économique et social. Donc, c'était un petit peu le fait de compenser. On est quand même dans une société où la valorisation sociale s'acquiert essentiellement par le travail, par la profession, par l'emploi. Et donc, le fait de retourner à la maison, le fait de ne pas être autonome économiquement, de perdre ses droits en matière sociale, etc., c'est pas une situation forcément positive. Et donc, une façon de compenser, d'après l'article, c'était de se dire qu'on était des militantes vertes convaincues et donc on était, disons, en pointe sur l'avenir et qu'on était des femmes positives. Alors, l'article concluait en disant que le véritable enjeu, en fait, c'est le partage des tâches domestiques, car jusqu'ici, la diminution du temps passé par les femmes à cet âge vient davantage des moyens techniques et du développement des services extérieurs payants que de l'accroissement de la part prise par les hommes. Donc ça, ce sont, là, je peux m'inscrire tout à fait en vrai, donc d'après toutes les études qu'on voit, en fait, la diminution du temps passé au ménage, aux soins des enfants, aux soins des personnes âgées, etc., vient essentiellement de moyens techniques, donc la machine à laver, essentiellement des choses comme ça, mais aussi de services qui ont été organisés par la société, beaucoup plus que par la prise en compte par les hommes de ces travaux-là. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'article. Alors bon, il y a quelques outrances dans l'article, hein. Par exemple, notamment il y a... On stigmatise le fait de l'accouchement à domicile, par exemple, en parlant de la problématique des doulas en France. C'est vrai qu'il y a eu un procès en France il n'y a pas longtemps parce qu'il y a un enfant qui est mort lors d'un accouchement à domicile assuré par une doula. Donc, les doulas, ce sont des sages-femmes. Mais il faut savoir aussi qu'en France, il y a un combat pour que la profession d'accoucheuse reste accessible sans études scientifiques universitaires. Et donc, il y a un combat entre les femmes pour garder le métier de sage-femme et le combat des médecins qui veulent reprendre ça en termes de médecine gynécologie et dans les hôpitaux. Donc, je veux dire, il faut faire la part des choses. Alors, il y avait aussi dans l'article une stigmatisation de l'écoféminisme en disant que c'était un mouvement qui renvoyait les femmes à la nature. Enfin, moi, j'ai un peu étudié cet aspect-là. Enfin, c'est une des femmes que j'admire et que j'aime beaucoup, c'est Vandana Shiva, qui est une écoféministe indienne et qui a traduit. Enfin, moi, j'avais poussé à l'époque Edith Rubinstein à traduire son texte parce qu'elle avait fait un dossier dans Silence, justement, sur l'écoféminisme. Et donc, c'est pas du tout, c'est un mouvement qui prône une nouvelle alliance avec la nature. Mais bon. Pour résumer, pour que vous ne partiez pas avec cette idée fausse, donc c'est un mouvement, en fait, l'écoféminisme, qui articule les pensées féministes et écologistes et qui considère que le système patriarcal est fondé sur une triple exploitation et appropriation de la nature, des femmes et des peuples colonisés. Les écoféministes partagent en outre une analyse critique et radicale des conséquences de la globalisation néolibérale sur la situation des femmes et de l'environnement. Et donc, c'est essentiellement, Vandana Shiva, c'est une économiste, hein, donc c'est essentiellement cet aspect-là qu'elle regarde. Alors, si on reprend les bonnes questions, parce qu'il y a quand même des questions qui sont intéressantes dans l'article, ben moi je les ramasse ici pour terminer. Donc il y a les changements rendus nécessaires par la crise écologique ont-elles des conséquences différentes pour les hommes et pour les femmes? Ben ça serait intéressant à voir, mais bon, il faudrait le mesurer, il faudra avoir la volonté de le faire. Alors si on n'y porte pas attention, la charge de ces changements écologiques dans le domaine domestique, en tout cas, risque de se porter essentiellement pour les femmes. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a vraiment un risque, hein? On l'a vu, bon, avec pour le moment le partage des tâches domestiques, le risque, il était quand même évident. Alors, changer les pratiques alimentaires, de soins, etc., pour respecter les ressources naturelles et l'environnement, est-ce possible sans remettre en cause les relations entre les femmes et les hommes et le mode, justement, de répartition des tâches et des rôles? Alors, comment changer de comportement pour peser moins écologiquement en permettant un win-win pour les hommes et pour les femmes? Alors, j'attire aussi l'attention qu'on n'est pas dans des contextes neutres, hein, quand on vit, qu'on se bat, qu'on travaille, on est dans des contextes, donc on est pour le moment dans des combats sociaux, vous dans la décroissance, nous dans le féminisme, et on s'est inscrit dans des contextes, et pour le moment, qu'est-ce qu'on a comme contexte? On a au niveau du féminisme, en tout cas, une perte d'audience certaine, c'est-à-dire que les inégalités hommes-femmes sont niées ou peu reconnues. Les mécanismes de leur construction sont peu étudiés, donc je vous assure que pour avoir ça, ça a été vraiment difficile pour le maintenir et pour le perpétuer, ça ne sera pas encore évident. Et donc on est dans aussi un mécanisme de ce qu'on a appelé le backlash, donc c'est un retour après le féminisme triomphant des années 70, on a le retour un peu du mécanisme. Donc on est dans ce contexte-là, et il y a même des constructions délibérées, disons, il y a des mouvements masculinistes aussi qui agissent. On en a déjà en Belgique. On a eu affaire à eux. Donc, nous, on a été prévenus par les Canadiennes qui sont des précurseurs pour nous et qui vivent ce problème-là. Et donc, ce sont des mouvements. Nous, on veut des mouvements d'hommes, mais pas des mouvements d'hommes qui n'ont pour but que de détruire ou de contrer le féminisme. Ça n'aurait pas de sens. Or, il y a quand même pour le moment des constructions délibérées d'impression. Que les inégalités n'existent plus et que les inégalités de fait sont résolu, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dangereux et qui est tout à fait trompeur. On est dans ce contexte-là. On est aussi dans un contexte de crise financière et économique. Donc il faut savoir que dans ces moments de crise économique, en général, le travail devient rare. Hein. On entend des fermetures tout le temps, enfin tous les jours. Et chaque fois, il y a toujours eu une pression très forte pour les femmes pour qu'elles retournent, elles abandonnent le marché du travail. Or, les femmes ont toujours voulu travailler, ont toujours été, volontaires dans ce domaine-là et ont toujours voulu, pas seulement pour une question d'économie, d'autonomie économique, mais aussi pour faire partie de la société, pour tout ce que ça peut apporter. Et donc, on est dans un contexte où la pression va sans doute devenir de nouveau très forte pour que les femmes quittent le marché du travail. On est aussi dans une crise écologique et qui touche sans doute différemment les hommes et les femmes, puisque on l'a vu, l'analyse que nous on fait en tout cas, c'est qu'il y a une répartition sexuée des rôles et des tâches dans la société et qu'essentiellement, pour faire court, tout ce qui est affecté à la production est en général du domaine des hommes et tout ce qui est affecté aux soins, à la reproduction, etc., c'est du domaine des femmes. Et donc la crise écologique, elle touche pas les hommes et les femmes de la même façon, puisque par exemple on peut se dire que les problèmes d'environnement, et c'est sans doute pour ça qu'il y a pas mal de femmes qui s'y engagent, ça touche des éléments essentiels comme l'alimentation, l'eau, la terre, etc. Et ce sont des domaines qui touchent particulièrement les femmes qui sont souvent, quand on regarde au niveau mondial, en charge de ces questions d'alimentation des familles. Voilà. Alors, est-ce que la décroissance peut se faire au prix de l'autonomie économique, sociale et citoyenne des femmes? Ben, je vous pose la question. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Je vous le mets aussi sur la table. Ça ne s'obtiendra pas sans y porter attention. Ça se fera pas tout seul, en clair, parce que on est dans une société à dominante masculine. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Elle est tellement à dominante masculine que c'est difficile de le voir. Je dis, c'est comme si vous demandez à un poisson, qu'est-ce que c'est l'eau? Il ne le sait pas parce qu'il est dans l'eau. Et donc, nous, on s'attache à essayer de montrer, par exemple, ça peut aller très loin au niveau du langage, au niveau des signes. J'ai lu il n'y a pas longtemps un article sur les pictogrammes, par exemple, d'un chercheur qui a analysé les pictogrammes dans le monde entier et qui montre comment l'utilisation des pictogrammes est sexuée et renvoie des images sexuées et différentes des hommes et des femmes. Donc, ça va très loin. Donc, il faut savoir qu'on est dans ce contexte-là et que si on n'y est pas attentif, eh bien, on risque de renforcer ou de recréer de nouvelles inégalités entre hommes et femmes. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Eh ben, moi, je vous donne les vieilles recettes éculées du féminisme, c'est de donner des lieux et des possibilités aux femmes de penser entre elles, de parler. C'est de veiller à la parité dans les organisations, donc un équilibre entre les hommes et les femmes dans les organisations. C'était les options qu'on avait prises au niveau politique, mais ça peut aussi avoir son sens dans des organisations, tout à fait. De veiller à ce que moi j'appelle, ce que nous on a appelé l'analyse de genre, des plans, des décisions, des processus de mise en œuvre. Donc l'analyse de genre, c'est prendre ses lunettes genre, ses lunettes homme-femme, et de se demander chaque fois qu'on décide ou qu'on fait quelque chose, qu'est-ce que ça a comme retombée sur les hommes et sur les femmes en tant que groupe social, et de voir si on n'augmente pas ou si on réduit les inégalités. Et donc de continuer à faire des états des lieux genrés, d'avoir la volonté de regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Et aussi, ça je vous encourage, parce que je viens quand même de là, c'est de prendre en compte les savoirs féministes élaborés. Il y en a quand même quelques-uns. Et donc ceux qui se créent, ceux qui s'élaborent, allez-y. Moi, je les ai découverts à 35, 40 ans. Je l'ai vraiment regretté, quoi. Parce que les savoirs féministes sont pas diffusés, sont pas connus, sont pas popularisés. Il y a peu d'émissions, il n'y a pas beaucoup de revues, il y a très peu de choses. Et c'est comme si on marchait comme ça, quoi. Enfin, moi, je trouve ça dommage. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous donner ce soir. Ben voilà, d'abord, ma femme aurait pu venir. Mais seulement, je suis papa au foyer depuis un an, donc c'est pour ça que... Voilà. Donc, enfin, pour la démarche un petit peu, parce que je pensais que c'était un petit peu ça qu'il fallait... Comment ça se fait que j'en suis arrivé ici aujourd'hui, là où j'en suis? Un peu tout le trajet, c'est j'ai commencé enfin, après mes études secondaires plus ou moins classiques, j'ai été faire des études d'assistant social et donc je me qualifie plus de travailleur social de formation que d'assistant social. J'ai travaillé dans un accueil, enfin un centre d'accueil pour toxicomanes en crise. Ensuite, je suis passé. L'essentiel de mon travail, c'était dans l'éducation permanente, d'abord aux équipes populaires. Et puis la mutualité chrétienne avec l'éducation à la santé en particulier. Ensuite, j'ai travaillé il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler dans un CPS, une association de 4 CPS dans l'insertion sociale et socio-professionnelle. Et voilà, mon parcours professionnel s'arrête là pour le moment. Parce qu'entre-temps, donc après mes études, je me suis marié, on a fait 3 enfants, donc il y a 5 ans, 3 ans et 1 an et demi. On s'est aussi lancé pour le deuxième au linge lavable. Et alors, donc ça, c'est pour arriver un petit peu aux tâches ménagères, justement. Et on avait aussi décidé, depuis déjà très longtemps, de ne pas repasser les vêtements, par exemple. Parce que je trouvais que c'était ingérable. Voilà. Ensuite, pour en arriver vraiment dans la démarche qui arrive à la décroissance et aussi à un projet d'habitat groupé qu'on est occupé de monter pour le moment, on a commencé, mon épouse et moi, à s'intéresser à la communication non violente. Au niveau de la, au niveau aussi du boulot, j'ai vraiment découvert l'aspect citoyenneté, enfin les 3 dimensions de la citoyenneté, la participation, la coopération et l'autonomie. C'est vraiment ça qui me faisait vivre dans mon travail en disant, ben, c'est important de travailler sur les trois axes de manière en parallèle en tout cas. Ensuite, j'ai découvert, enfin, j'ai En fait, la démarche, c'était qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est plus nécessaire, j'essaie de sauver les gens en faisant l'éducation permanente, en faisant l'éducation à la santé, ce qu'il faut faire, donner les bonnes recettes. Et en même temps, j'ai l'impression de passer tout à fait à côté de ce que je vivais moi à ce moment-là. Et donc, et en même temps, en parallèle, mon épouse aussi avait envie de travailler et de développer, en tant que professeur d'anglais et néerlandais, et de développer une méthode pour l'apprentissage des langues avec les adolescents. Et donc, on a un petit peu interchangé, elle, son envie de travailler, et moi, justement, un peu le ras-le-bol et pas très bien savoir où on va. Au niveau professionnel, je me dis, ben, on peut être très efficace au niveau professionnel, et en même temps, si on ne fait pas attention au contexte, justement, dans lequel on est, on arrive à faire des. Enfin, je prends souvent l'exemple des gens qui travaillent à l'administration pendant la guerre 40-45. Les gens qui travaillaient bien à l'administration, les bons administrateurs au niveau communal, ils ont bien recensé beaucoup de juifs correctement, ils ont bien renvoyé les rapports en temps et en heure, et ça a permis d'envoyer beaucoup de juifs au camp d'extermination, tandis que ceux qui étaient un peu plus moins zélés, je vais dire, qui ne faisaient pas trop attention, qui allaient boire un verre plutôt que travailler, enfin qui. Eh ben, ils ont un peu passé à côté, ils n'ont pas été efficaces en même temps, ben voilà, je trouve que c'est important de pouvoir travailler dans un. De savoir dans quel contexte on travaille justement pour savoir si c'est intéressant d'être efficace ou pas. Donc voilà, pour le moment, je ne suis pas sûr que c'est intéressant d'être efficace au travail pour le moment. Entre autres, au travail, j'ai quand même rencontré l'idée de simplicité volontaire. C'est depuis là que j'ai rencontré le groupe, enfin, entre autres le groupe ici, mais Dominique et Ezio. Je trouve qu'il y a beaucoup de contacts entre la communication non violente, par exemple, qui reprend et la simplicité volontaire, puisque la communication non violente insiste sur prendre sa part de responsabilité dans ce qui se passe, mais pas au-delà, je veux dire, on est responsable de ce qu'on vit nous, mais on n'est pas responsable de ce que l'autre vit, et on peut quand même être assertif, sans pour autant s'écraser ni prendre le dessus. Enfin, je sais pas si je suis clair quand je dis ça. Et la simplicité volontaire, ben, j'ai l'impression que c'est aussi essayer de simplement pouvoir prendre sa place et de prendre ce dont on a besoin par rapport aussi à l'empreinte écologique, mais pas au-delà, ni. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des similitudes en tout cas au niveau des deux théories, je veux dire. Et donc ça nous mène à la décroissance. On a envie d'être acteur de la décroissance, mais. Seulement pas dans l'optique de vouloir sauver le monde, parce que je me dis, je suis pas responsable de ça. Il se sauvera tout seul s'il a besoin de. Enfin, je veux dire, ça se sauvera s'il sauve, mais puis s'il sauve pas, ben, tant pis. Mais je trouve que c'est important de pouvoir prendre ma part de responsabilité et aussi de vivre en conscience, en fait. De pouvoir. Je me dis, on roule en bagnole, je suis venu en voiture, même si on vient en train, j'ai l'impression qu'on passe à côté de tout ce qu'il y a comme. Ce qu'il y a derrière, le fait que le train roule, le fait que la voiture roule, j'ai l'impression qu'on est déconnecté de plus en plus de l'environnement qui est le nôtre. Je veux dire, ça qu'on soit un homme ou une femme. On prend la bagnole et on ne se rend pas compte qu'il a fallu construire une route, qu'il a fallu faire venir le pétrole, il a fallu construire la bagnole. Enfin bon. Et ça me pèse un petit peu, je dois dire. Donc c'est ça qui me fait dire aussi, j'ai envie. Mon épouse avant donc était à la maison pour s'occuper des enfants aussi. Enfin, je sais pas, je l'avais déjà dit ça, je crois. Donc on trouvait ça important parce qu'on a toujours vécu comme ça, elle et moi, étant enfant, et on trouvait que c'était important de pouvoir avoir un parent à la maison en tout cas. Et aussi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'aboutissement, par exemple, de la construction de l'habitat groupé pour le moment, ni l'aboutissement de ma démarche professionnelle ou de ma démarche de vie, mais c'est plus le questionnement qui est la démarche qui me fait avancer, que je trouve important. Voilà. Alors, il y a deux choses qui m'ont fait réagir, puisque j'ai maintenant un an d'expérience. Je constate que c'est très ingrat le travail à la maison. On le ménage justement, enfin d'être présent à la maison. Parce que quand le travail est fait, ça ne se voit pas. Par contre, quand le travail n'est pas fait, ça se voit. Et voilà, donc on n'a aucun retour quand c'est fait parce que c'est normal que ce soit fait. Et quand c'est pas fait, ben ça. Enfin, même avec les enfants, c'est tout de suite. Les réactions sont tout de suite là, quoi. Et alors aussi, par rapport à l'école, justement, c'est vrai que souvent, quand on reçoit une petite lettre pour les enfants, et par exemple, qu'on demande la participation des parents, ben, on ne demande pas la participation des parents, on demande la participation de la maman à faire un gâteau, à faire des galettes. Mais même c'est textuellement écrit comme ça, on peut demander aux mamans, quoi. Donc, je réagis un petit peu, mais de manière en boutade, pour leur dire que je ne suis pas la maman, mais. Et donc, c'est, voilà. Au niveau des tâches aménagères, j'ai pas attendu de ne plus travailler pour prendre certaines tâches ménagères. Et effectivement, je m'occupais déjà des lessives, par exemple. Voilà. C'est pour ça que j'ai retiré le repassage. Voilà. Moi, quand j'ai entendu votre exposé, c'est comment votre nom ? Claudine. Claudine. Moi, c'est Vincent. Je me suis dit, oulala, mais je m'attendais plutôt à une conversation informelle ici, donc j'ai pas vraiment préparé quelque chose, un exposé comme le vôtre, tout à fait bien structuré. Et en plus, tu disais, je sais pas trop la teneur de ton exposé, mais moi non plus, au moment où je suis arrivé parce que effectivement, vous l'avez entendu à ma présentation, c'est pas mon cœur de métier cette thématique-là, mais il y a quand même certaines accointances que sur lequel je vais essayer de raccrocher. En fait, je pense que je suis ici parce que nous avons eu, Marcel et moi, une conversation lors d'une balade du 1er janvier, au cours de laquelle j'ai eu l'occasion de lui partager ma vision sur le féminin dans la société. Non pas les femmes dans la société, mais le féminin. Et je pense que donc je vais amener un point de vue un peu complémentaire au vôtre. Vous disiez, on est dans une société à dominante masculine, et d'où l'importance de votre combat féministe. Et moi, je suis vraiment à vos côtés dans cette démarche-là. Je le dis parce que peut-être un peu plus loin dans mon exposé, vous allez peut-être avoir l'impression que je suis d'un autre bord. Mais ça n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est vrai que dans tout ce qui est... on est dans un monde à dominante capitaliste. Moi, je travaille depuis 20 ans sur les questions d'éthique économique, justement pour rééquilibrer ces choses-là. On est dans un monde à dominance du Nord par rapport au Sud, c'est aussi mes combats. Et donc, effectivement, dès qu'il y a quelque chose comme un déséquilibre et une prise de pouvoir de l'un sur l'autre, c'est quelque chose qui ne me va pas personnellement. Que je le vive à titre personnel, ça ne me va pas. Mais quand je le vois au niveau collectif, je m'engage aussi dans des, je ne vais pas dire des luttes, parce que j'ai été militant pur et dur il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, je me situe plus dans la construction des choses que d'être en lutte face à. Mais c'est, bon, voilà, c'est juste un bémol. Alors, le féminin dans la société. Je vais essayer de relire mes... Non, c'est vraiment un truc qui... Bon, en fait, moi je pense que le féminisme, il a tout à fait raison, il est tout à fait légitime, il a tout à fait raison d'exister et il continue à avoir le besoin d'exister. Pourquoi? Parce que les hommes résistent. Je pense que si les hommes ne résistaient pas à abandonner ces positions de pouvoir, tant au niveau des sphères privées qu'aux sphères collectives, ben, je pense que vous n'auriez plus lieu d'avoir ce combat féministe, en tout cas, c'est ce que je pense. Et donc je me suis, moi, posé la question, qu'est-ce qui fait la résistance des hommes à abandonner le patriarcat, hein, sur lequel je suis bien d'accord que nous sommes en plein. Et c'est un peu la même chose pour moi que le regard que je pose sur les inégalités économiques. Il y a des gens qui sont dans une position de pouvoir et qui vraiment, à qui on dit, oui mais attendez, il faudrait peut-être répartir les revenus un peu, de manière un peu plus égalitaire, faire des impôts sur ceci, etc. Pas question. Je suis là et je m'accroche. Et c'est ça qui, moi, me dérange personnellement. Et je crois qu'un des grands enjeux, enfin, une idée que j'aimerais beaucoup travailler, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener les gens à lâcher leur position de pouvoir. Bien évidemment, il y a les combats. Il y a, on se met ensemble, il y a les syndicats, on se met ensemble et on les force à. Mais moi, j'ai une réflexion qui est un peu complémentaire à celle-là, et qui est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Et je parle en termes d'évolution des mentalités. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire évoluer la mentalité de ces gens au pouvoir? Et ici, on va parler des hommes, hein, parce que c'est le côté où moi je le prends. La vie a fait que j'ai eu l'occasion de participer, et je participe toujours, à un groupe de parole pour hommes. Donc, les groupes créés initialement il y a 15-20 ans par Guy Corneau. Tout le monde voit qui est Guy Corneau. C'est un grand copain à notre reporter. Voilà. Hein? Donc, Guy Corneau, psychanalyste québécois et auteur à succès du livre fameux Père manquant, fils manqué, qui a marqué une génération d'hommes, dont moi, qui ai eu finalement à vivre cette situation. Je fais partie d'un groupe de parole pour hommes et j'ai eu l'occasion d'approcher l'organisation qui fédère les groupes d'hommes en Belgique, qui s'appelle le Réseau Hommes Belgique. C'est là où ça devient un peu dangereux parce que à certains moments, cette organisation-là a été un peu mise dans le même paquet que ces fameuses organisations masculinistes dont vous parlez. Je ne sais même pas si quand vous parliez de ces organisations masculinistes, vous évoquiez également cette organisation dont je fais partie. Donc c'est une nuance importante. Effectivement, il y a, à ma connaissance, deux organisations qui travaillent sur l'évolution du masculin. Et en fait, c'est finalement de ça dont moi je suis... C'est mon autre casquette, hein. Outre les questions d'éthique économique. Mon autre casquette, c'est celle de un homme qui travaille tout à fait modestement, mais avec certains outils que je vais développer sur l'évolution du masculin, avec la vision de, tiens, comment est-ce que les hommes peuvent évoluer pour finalement laisser tomber ces positions de pouvoir et donc favoriser le fait que les revendications légitimes des femmes, que ce soit dans la sphère privée ou les sphères collectives, eh bien, puissent aller plus rapidement, parce que je suppose que vous serez d'accord avec moi que si les hommes ouvrent les portes, bah, ce sera plus facile pour rentrer que s'ils les tiennent fameusement fermées. Donc, il y a deux organisations en Belgique, Belgique francophone en tout cas, qui travaillent sur l'évolution du masculin. L'une, c'est Relais Hommes, qui est plus spécialisée dans l'organisation de conférences et de colloques, d'où le fameux colloque qui a prêté à, et dont je vais vous parler un petit peu. Et l'autre, c'est Réseau Hommes Belgique, qui fédère les 30-40 groupes de parole pour hommes et qui n'a pas comme destination initiale de travailler sur l'évolution du masculin. Juste, cette organisation fait en sorte que, eh bien, si des hommes ont envie de se réunir en groupe de parole, elle les assiste un peu comme vous assistez les groupes de simplicité volontaire, hein. Et donc, l'avantage pour ces hommes, je dis juste un petit mot, parce que pour moi, ça a à voir avec l'évolution du masculin, l'avantage, c'est que ces hommes ont l'occasion de se réunir entre eux, juste des hommes, et de parler de trucs de mecs, pas des trucs de football, de Formule 1 ou hein, des choses comme ça, mais des, plus des trucs fondateurs sur qui peuvent relier certainement dans la relation à la femme et comment on se sent dans son couple et, ou dans, comme père au foyer ou ce genre de choses. Et vous parliez des vous avez employé le terme éculé, qui moi me serait, les manières éculées du féminisme, c'est se réunir, parler entre elles. Eh bien, c'est un peu l'équivalent que les hommes éprouvent le besoin de faire. Et moi, je peux vous dire, et peut-être un peu d'autres ici, que c'est fort important, d'où il y a des groupes d'hommes qui tiennent depuis 15 ans, des gens, des amis qui se réunissent tous les 15 jours depuis 15 ans, quoi. Alors, deux organisations. Notre organisation Réseau Hommes Belgique, qui, depuis l'Assemblée Générale dernière en date, sous l'impulsion de quelques-uns de ses membres dont je suis, a décidé effectivement d'élargir sa mission et de se profiler justement sur des travaux sur l'évolution du masculin. Et j'en reparlerai. Et puis il y a Relais Hommes, qui sont aussi des gens qui font partie de nos groupes, et puis qui ont décidé de créer leur propre organisation, qui ont organisé un colloque appelé Parole d'Hommes, et qui ont eu le malheur, entre trois guillemets, d'inviter des Québécois suspectés du masculinisme, et du coup ils se sont fait mettre dans le même sac, mais hors micro, nous aurons l'occasion se retrouver dans le même colloque. Oui. Effectivement, certains ne savaient pas très bien de quoi on allait parler et qui allaient être les autres intervenants, apparemment. Voilà. Moi, j'étais également intervenant dans ce colloque. Je ne savais effectivement pas qui allaient être les intervenants. Mais je crois que les organisateurs eux-mêmes ont été dépassés par la parole de certains, de leurs propres intervenants, et du coup ils se sont fait taxer de masculinistes, et pour les connaître personnellement, je ne crois pas qu'ils soient ça. Donc je ne crois pas qu'ils soient suspects de vouloir de retour en arrière, je ne pense humainement pas. De même, nous ne le sommes pas, et je ne le suis certainement pas. Donc moi je suis vraiment pour les avancées du féminisme, et je travaille à ma manière pour ça. Alors je vais revenir après ce petit aparté, mais vous pouvez m'interpeller là-dessus si vous le souhaitez. Donc oui, moi je crois qu'il y a énormément à faire dans l'évolution des mentalités, entre autres chez les hommes, pour pouvoir laisser une place aux femmes. Et alors, un des trucs, et c'est là où je quitte le sociologique pour entrer peut-être plus dans le psychologique, hein, vous vous disiez, nous avons une approche sociologique, nous regardons comment nous observons ce qui se passe dans le groupe des hommes et dans le groupe des femmes. Moi, j'observe aussi ce qui se passe dans mon groupe d'hommes, dans d'autres groupes d'hommes. J'ai eu l'occasion de mener une petite recherche-action, mais je le regarde d'une manière psychosociologique. En tout cas, je n'enlève pas les aspects psychiques, parce que pour moi, ils sont vraiment importants. Et donc, l'évolution des mentalités, je pense qu'un certain nombre d'hommes... Alors là, ça, c'est une hypothèse que dont je veux bien assumer tout à fait seul. Petit à petit, avance sur ce chemin de laisser la place aux femmes, les places qui sont nécessaires, parce qu'ils laissent la place à leur féminin personnel. Alors c'est très psy, hein, ça. C'est Jung qui disait, il y a animus anima, et l'anima, c'est la partie féminine de l'homme. Et Jung, pour moi, était un type qui en connaissait un morceau. Je crois vraiment dans cette approche. Je suis moi-même en contact avec ma partie féminine, et on pourra hors micro en parler plus avant. Mais donc je pense qu'il y a un bon nombre d'hommes, un nombre certain d'hommes qui sont sur ce chemin de connecter leur partie féminine, et que cela prédispose à ouvrir la porte aux femmes. Vous parlez d'expérience avec vos propres groupes? Sur base des... Je parle d'abord de mon expérience personnelle, et je parle d'un nombre important d'hommes que je connais et qui sont entrés dans leur féminin. Alors pour aller un peu plus dans qu'est-ce que c'est, alors mais de manière hyper schématique, les psys s'accordent à dire que, en tout cas, l'accès à la sensibilité, aux émotions et à la sensibilité, à une certaine capacité de communiquer, c'est entrer un peu dans son pôle féminin. Il y a également la connexion à son intuition, qui est d'habitude considérée. Je ne veux pas mythifier l'intuition féminine, mais c'est dans les grandes typologies. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une sorte d'approche psychologique, en tout cas qui moi me convient. Donc, que je trouve assez satisfaisante. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est mon expérience. Oui, juste une seconde à poser. La moyenne d'âge de ces hommes qui rentrent dans cette réflexion, je dirais, grosso modo, 36 ans et 3 quarts. Attends, je rigole, je n'ai aucune idée de la moyenne. Non, c'est-à-dire, ce sont des hommes, en règle générale, je dirais, dans la tranche 35-55. C'est grosso modo. Ils ne sont pas typés sur un type de revenu, une localisation, ce genre de choses. Je crois qu'ils sont typés culturellement parlant. Ce sont des hommes qui ont un certain bagage culturel. Un peu comme j'imagine, on rentre dans une réflexion de simplicité volontaire avec une certaine réflexion de société. Je pourrais dire que dans nos groupes d'hommes, il y a une bonne proportion de gens qui ont une certaine réflexion sur eux-mêmes aussi. Donc, je reviens à ce travail que j'ai entrepris moi avec quelques autres au sein des groupes d'hommes pour voir un petit peu, pour étudier comment, psychosociologiquement parlant, eh bien, ces hommes évoluent de manière à pouvoir éventuellement favoriser une contamination positive si nous trouvons qu'effectivement ce type d'homme-là laisse une place plus importante à leur féminin personnel et à leur femme, leur partenaire, ce genre de choses. Alors, pour être juste complet, comme ça vous pourrez me poser des questions larges, il y a en fait une connexion entre ce que je viens de dire, c'est-à-dire le féminin dans la société et ce qui est mon cœur de métier professionnel depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire les questions d'éthique économique. Je vous mentionnais dans ma présentation que mon travail actuel, en tout cas avec cette casquette-là... Et voilà, on s'écoutera la suite la semaine prochaine, c'est comme ça, hein. Je vous rappelle aussi qu'il y a un site maintenant, microouvert.magix.net. Donc vous voyez, micro ouvert, donc les deux os se touchent, point, magix, M-A-G-I-X, hein, magix.net. Voilà, et en même temps, vous visiterez maintenant, il y a des photos, il y a des images sur un projet qui a eu lieu à Otigny. Un type de revenu, une localisation, ce genre de choses. Je crois qu'ils sont typés culturellement parlant. Ce sont des hommes qui ont un certain bagage culturel. Un peu comme j'imagine, on rentre dans une réflexion de simplicité volontaire avec une certaine réflexion de société. Je pourrais dire que dans nos groupes d'hommes, il y a une bonne proportion de gens qui ont une certaine réflexion sur eux-mêmes aussi. Donc, je reviens à cette, ce travail que j'ai entrepris moi avec quelques autres au sein des groupes d'hommes pour voir un petit peu, pour étudier comment, psychosociologiquement parlant, eh bien, ces hommes évoluent de manière à pouvoir éventuellement favoriser une contamination positive si nous trouvons qu'effectivement ce type d'hommes-là laisse une place plus importante à leur féminin personnel et à leur femme, leur partenaire, ce genre de choses. Alors, pour être juste complet, comme ça vous pourrez me poser des questions larges, il y a en fait une connexion entre ce que je viens de dire, c'est-à-dire le féminin dans la société et ce qui est mon cœur de métier professionnel depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire les questions d'éthique économique. Je vous mentionnais dans ma présentation que mon travail actuel, en tout cas avec cette casquette-là, c'est que je coordonne un groupe de chercheurs qui, sur différents continents, travaillent sur la responsabilité sociétale des acteurs économiques. Et les travaux qu'on a menés dans les 3-4 dernières années nous ont menés à penser, je veux dire surtout m'ont mené moi à penser, et je crois que ça ne va pas vous plaire. Mais alors j'essaye de dire ça dans des mots qui vont être acceptables. L'idée c'est que ce monde sur le plan économique et financier est déséquilibré. On peut mettre beaucoup d'étiquettes sur le déséquilibre, mais une manière de voir les choses, c'est de dire que ce monde est guidé par les valeurs dites masculines, c'est-à-dire les valeurs de compétitivité, de résultats à court terme, résultats financiers concrets, de toujours plus, ce genre de choses. Et qu'il y aurait, je le mets au conditionnel, qu'il y a un intérêt vraiment important à équilibrer ces valeurs masculines avec des valeurs dites féminines, qui sont une vision holistique, un sens du long terme, de l'écoute, de l'empathie et ce genre de choses, un peu la coopération par rapport à la compétition et ce genre de choses. Alors, ce sont juste des étiquettes, c'est pas moi qui les ai pondues, et le fait de dire ces valeurs masculines et valeurs féminines ne veut pas dire que, par exemple, les valeurs féminines ne sont tenues que par des femmes, ne sont concrétisées que par des femmes, que du contraire. Mais ce sont des valeurs qui, disent certains auteurs, émergence des valeurs féminines dans l'entreprise, le quotient féminin de l'entreprise, ça ne parle pas des femmes, ça parle du féminin. C'est pour ça que je faisais cette petite distinction. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais juste avant? C'est que les valeurs féminines ne sont pas juste tenues par des femmes, qu'il y avait un équilibrage, et puis j'allais dire quelque chose de super intéressant qui m'est parti. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce sont les valeurs dites féminines sont les valeurs finalement du développement durable, hein. Si vous avez écouté ce que j'ai dit, une vision plus holistique, un sens du long terme, la préoccupation de l'humain au centre, préoccupation de l'environnement, ce genre de choses. Certains auteurs mettent effectivement, et non des moindres, il n'y a pas que ces deux-là, prennent le vocable valeur féminine. D'autres disent yin et yang, ce qui est moins, qui prête moins à confusion avec femme et homme et ce genre de choses. Moi, de toute façon, une autre partie de mon travail, complémentaire à celle que je vous ai évoquée au sein des groupes d'hommes, c'est de continuer à travailler sur les questions économiques en essayant de travailler l'intégration de ces fameuses valeurs dites féminines dans le monde des entreprises. Voilà, je le mentionnais juste pour pouvoir que vous puissiez faire la connexion avec ce qui est mon cœur de métier et ce qui sont mes intérêts ici. Marcel, je ne sais pas si j'ai dit la chose que tu pensais que j'allais dire. Sinon, pose-moi une bonne question. Et alors, il y a une chose que je vais redire, qui est, parce que maintenant, tout d'un coup, je me rappelle aussi la teneur de notre conversation. Je crois qu'il y a... parce que sinon, pourquoi parler de cela ici, dans une... autour d'une table dont les valeurs, la valeur première, en tout cas l'intérêt premier, c'est la décroissance, si j'ai bien compris. Je crois que les gens qui se préoccupent de simplicité volontaire et de décroissance sont des créatifs culturels. Qui a déjà entendu parler des créatifs culturels? Tout le monde. Ah ben c'est rare, c'est tellement rare. Donc voilà, je pense que ce sont ces gens qui sont créateurs d'une nouvelle culture, hein, dans différents aspects, mais certainement les gens qui sont comme vous, partisans de la décroissance, le sont. Et pour moi, si vous vous rappelez l'étude initiale qui a été menée aux États-Unis donc pendant 10 ou 15, 14 ans, je ne me rappelle plus très bien, et qui a mené à la définition du vocable créatif culturel, il y avait différentes valeurs. Il y avait 4 grandes valeurs, solidarité, écologie, dans laquelle on trouvait des croissances, etc., développement personnel, spiritualité, et la quatrième, c'est valeur féminine. Voilà. Et c'est la connexion que je vois entre ce qui vous réunit ici d'habitude et un peu ce qui est mon travail maintenant. J'avais juste envie... Monsieur, j'avais juste envie de réagir quand vous disiez, donc en gros, ce sont les hommes qui vont laisser la place aux femmes, vous parlez comme ça, vous vous souvenez? Il y a un intérêt à ce que les hommes ouvrent l'espace pour les femmes. Je ne pense pas avoir été aussi, ce sont les hommes qui, je dis, il y a également une porte par là. Le combat féministe a toute sa légitimité et son importance depuis un siècle. Nous travaillons de l'autre côté. Excusez-moi, c'est pas évident. Donc je le fais plus, comme vous avez dit, donc les hommes doivent ouvrir la porte aux femmes, gentiment, pas... Voilà. Mais je pense que les femmes aussi, enfin, je suis une femme, là. Il n'y en a pas beaucoup ici autour de la table. Hein. Mais ça, enfin, ça me touche puisque je suis une femme, mais c'est aussi, je pense que c'est la même chose de dire c'est les femmes, donc c'est un combat contre les hommes. Je pense que ce n'est pas, j'entends ce que vous dites, hein, ouvrir la porte gentiment, c'est pas du tout, mais je pense que c'est ensemble qu'ils trouveront la solution. C'est important aussi de dire c'est les hommes et les femmes, enfin, qui trouveront la solution pour la place, quoi. C'est pas, attends, je voulais aussi rajouter un truc par rapport à ça. Les hommes et les femmes, parce que justement il y a certaines femmes, et j'en fais partie aussi, hein, c'est une conscientisation aussi, comme vous dites, enfin ça prend le temps aussi de réaliser qu'on est femme et que on n'a pas, enfin voilà, c'est intéressant comme tout de réaliser que ben oui, autour d'une table, tiens, il y a pas beaucoup de filles au fond, voilà. Et qu'il y a tout un travail aussi de la part des femmes de pas se mettre dans le rôle que les hommes attendent, etc., etc. Donc, je pense que la phrase « les hommes et les femmes », c'est plus égal. Mais je vous rejoins tout à fait dans cette pensée, chère madame. Et d'ailleurs, notre intérêt véritablement en tant qu'organisation d'hommes, c'est petit à petit de prendre contact avec des organisations féministes ouvertes d'esprit, je dirais, hein. Parce que vous le disiez, des féministes, il y en a dans tous les genres, et puis il y a aussi des incompréhensions pour le moment qu'il importe de lever. Donc nous souhaitons pouvoir effectivement travailler ensemble en coopération avec des organisations de femmes, ça c'est une chose sur le plan militant, on va dire. Et sur le plan personnel, j'ai mentionné le fait que je faisais partie d'un groupe d'hommes, mais je fais aussi partie d'un groupe mixte qui travaille sur ces questions d'alliance masculin-féminin. Avec des femmes aussi. Un homme. Je vous ai, là. C'est moins confortable que les groupes de mecs. Moi, je voudrais faire une petite remarque d'abord, c'est que je me suis rarement senti comme cette fois-ci, pas dépassé, mais étonné par le niveau des interventions qui était particulièrement fouillé, complexe et ardu et intéressant. Donc si tu as l'occasion de retranscrire toutes ces informations, un grand merci à toi. Et une petite intervention alors là, tout à fait pratique, contrairement à toi Claudine, je trouvais qu'un des intérêts de ce que Vincent disait, c'est que je repensais au moment où lui parlait plutôt de valeur féministe que de la femme en tant que telle. Je me venais directement en tête quelqu'un comme Margaret Thatcher, comme d'autres de ces femmes qui véhiculent finalement un modèle masculin complètement exacerbé. Or, je trouvais que dans son approche, il parlait plutôt de parties plus psychologique masculin chez la femme ou féminin chez l'homme. Voilà. Moi, j'ai fort apprécié les deux interventions à double titre parce que d'une part, dans mon vécu à la fois syndical et privé, j'y suis attaché parce que aussi je crois que nous devons pouvoir poursuivre cela maintenant dans le cadre de l'objet qui nous réunit ici, c'est-à-dire la décroissance et voir là où les pièges peuvent nous guetter, je dirais à l'instar de ce qui avait été évoqué ici dans la revue Marianne, qui est sans doute je dirais un article un peu provocateur et on peut évidemment en penser tout le mal qu'on peut en penser, mais qui a l'intérêt en tout cas d'amener la question sur la table. Alors j'étais intéressé par votre intervention parce que je crois vraiment que c'est important de souligner le retour manifeste en arrière depuis les années 80 et donc à la fois l'apport et la puissance du système machiste qui s'est repositionné par rapport aux années 68 et qui a permis au système, je dirais, dominé par les hommes, de reprendre le dessus, malheureusement, surtout par exemple dans le cadre de la répartition du travail. On en avait parlé la fois dernière. La répartition du travail a été évoquée à un certain moment en termes de réduction drastique, mais par rapport à l'ensemble de la population au travail, donc hommes et femmes. Et par rapport à cela, il y a eu un échec manifeste à un certain moment, durant les années 80, où on a constaté que finalement les valeurs portées étaient essentiellement encore celles d'un la reconnaissance au travail vis-à-vis, de l'extérieur par les hommes, et la reconnaissance au travail de l'intérieur, au niveau des ménages, par les femmes. Ce qui fait qu'on a abouti à une situation déséquilibrée où les femmes se sont retrouvées dans, l'adoption en grande partie du temps partiel. Et on se retrouve ici depuis plusieurs années avec le temps partiel, le crédit temps, etc. Les titres services maintenant, avec donc vraiment une confirmation de la situation antérieure de la femme, donc dans une situation où elle n'est pas reconnue, en tout cas, égale de l'homme. Et bon, sur le plan syndical, je suis évidemment assez sensible de ce côté-là. Et alors, l'exposé ici de Vincent, aussi dans la mesure où Vincent donc fait partie de ce groupe qu'il a donc évoqué au niveau du réseau Hommes Belgiques, moi également, je fais partie d'un groupe Hommes. Depuis une dizaine d'années, et donc je crois qu'il n'est pas du tout, c'est pas du tout un hasard que je me suis intéressé par la suite à la décroissance, car je crois que ce sont des valeurs, comme tu l'as dit, extrêmement proches qui nous portent ici, et donc je crois que à cet égard-là, il est vraiment important que à la fois les femmes puissent se convaincre elles-mêmes qu'elles sont capables d'être pleine et entière dans, je dirais, les activités et la vie en société, à l'instar des hommes, pas nécessairement avec les valeurs véhiculées par les hommes, mais en tout cas dans une participation pleine et entière et de manière égale par rapport aux hommes. Et les hommes ont un travail intérieur important, aussi important d'ailleurs, à devoir faire sur eux-mêmes pour pouvoir faire en sorte que non seulement ils permettent de cette manière-là aussi, quelque part, de pouvoir faire en sorte que les femmes réussissent à se libérer, mais également à se libérer eux-mêmes de leur propre tyrannie sexiste qui les enferme dans un système notamment, et là je rejoins maintenant le problème qui nous préoccupe ici, la décroissance qui les amène depuis, je dirais, des siècles, en tout cas depuis 2-3 siècles certainement, à devoir entrer dans un monde de production, de compétition, d'agression, de violence, de prédation, qui fait en sorte qu'on se retrouve sur les bras avec un problème énorme sur le plan de la planète Terre. Quoi. Voilà. Mais moi, je suis un peu interpellé, mais je crois que depuis un certain temps, depuis mon passage au mouvement ouvrier chrétien en règle générale, J'ai l'impression qu'il y a une valeur centrale qui est vraiment, même au sein des femmes, qui est très, très mouvement féministe, qui est très présente, c'est l'accès au travail. Et je me dis, je ne crois pas, en tout cas, à l'épanouissement de, ni de l'homme ni de la femme par l'accès au travail. Je crois que c'est, je crois que c'est pas compatible l'un et l'autre, en fait. En même temps, je suis conscient que ça, ça permet des choses, d'avoir un salaire, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment devenu des, oui, des dépendants du travail de manière un peu alarmante. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui me permet, moi, de vivre, je crois, sereinement ma situation en tant que papa au foyer actuellement, c'est peut-être d'avoir l'impression de participer à un combat, comme disent les femmes, enfin, de se dire... c'est important de pouvoir vivre en conscience. C'est important, en tout cas pour moi, de vivre en conscience. Et je crois aussi que ça me permet aussi d'être... C'est la confiance aussi que j'ai peut-être en l'avenir, peut-être aussi en mon épouse. Parce que c'est vrai que quand elle rentre du travail, elle dit « Ah oui, j'ai rencontré un collègue, nanana, on passe du temps, j'étais mangé avec lui, tout ça. » Enfin, parfois, je crois que si j'avais pas cette confiance et cette sérénité-là, je crois qu'effectivement, je dis « Bah non, ça va, je vais aller travailler. » Et je crois qu'il y a une nécessaire confiance, en fait, à quand on parle aussi de comment on pourrait ouvrir, comment les hommes pourraient peut-être ouvrir la porte plutôt que se cramponner à leur pouvoir, c'est peut-être en développant justement la confiance, peut-être pas en eux, mais la confiance en à demain, quoi, peut-être, simplement. Et que si la femme les trompe, c'est peut-être pas très grave, et que si on n'a pas plus d'argent demain, c'est peut-être pas très grave, et que si l'entreprise, de pouvoir vivre en confiance, justement, dans ce qui va se passer, dans ce qui... Oui, dans l'autre, dans demain, quoi. Oui. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à vivre de manière sereine cette situation. Et je crois que les femmes qui pourraient vivre, enfin, si elles pouvaient avoir aussi confiance au fait que c'est pas le travail qui va faire que on va pouvoir s'épanouir, je crois que ça pourrait les aider aussi peut-être à être à la maison ou à être dans la maternité ou à être dans les soins, justement, de manière plus, peut-être plus tranquille, plus sereine. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais. Et alors, moi, c'est la question aussi de l'habitat. On parlait aussi de... Ça repose des questions philosophiques du sens de la vie, de qu'est-ce qu'on fout là. Et je crois que la question de l'habitat, est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est rester à la maison, en fait? Est-ce que c'est rester entre ces quatre murs? Est-ce que c'est être en relation avec ses voisins? Est-ce que c'est être en relation avec l'environnement aussi qui nous est proche? Est-ce que c'est... J'ai l'impression qu'il y a quand même toute une... Ça c'est combiné, enfin ça se combine, et j'ai l'impression que quand on dit les femmes restent au foyer, ma réaction c'est mais où vont les hommes? Enfin, est-ce que il faut nécessairement courir à la ville chercher beaucoup de salaire, même sur les créatifs culturels? Moi j'ai un peu l'impression que les créatifs culturels c'est le nouveau mot pour les bobos, un peu moins péjoratif peut-être, les bourgeois bohèmes. Mais enfin voilà, c'est un peu une boutade aussi et peut-être une provocation. Mais c'est la deuxième fois que j'entends parler, en fait. Et je me dis, moi, j'ai pas besoin de toutes ces sécurités, de dire, ah, je situe dans ce groupe-là, ou je me situe dans les groupes hommes, ou je me situe dans le groupe femmes. Je trouve que c'est plus important, enfin, non, je me reconnais plus dans qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter là aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le travail, aller chercher, ou est-ce que c'est toujours faire la popote et nettoyer la lessive? Je trouve que c'est important de pouvoir se poser la question, dans cette vie-là, qu'est-ce que je fous là, mais qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et quelle confiance je me donne aussi pour expérimenter quelque chose de nouveau, peut-être, ou de sortir de cette routine, de ce train-train, de cette reproduction de ce que papa, de ce que mon grand-père, de ce qu'on a toujours fait. Et voilà, c'est ce qui me permet d'être en démarche pour le moment, en tout cas. Mais juste peut-être pour répondre, c'est vrai qu'essentiellement, les féministes se sont battues pour l'accès au travail, pour le droit au travail, et qu'elles ont considéré que le travail à la maison n'était pas un travail, en tout cas, à valoriser. C'est clair. C'est une question qui est remise, justement, dans le débat féministe aujourd'hui. J'ai pris quelques articles que je vais faire passer. Quand je suis décroissante aussi, j'ai pas fait des copies, donc inscrivez-vous si vous en voulez. Il y a, par exemple, la revue Nouvelle Question Féministe, qui est une revue féministe française et suisse, qui vient justement de faire un colloque et un travail de recherche sur cette question du travail. Voilà, je lis le titre, « Le travail, outil de libération des femmes ».